Sainte-Marie de la mer. Que se passe-t-il ? La vigitait, déambula. Je n'y comprends rien. Como sur les ramblas. Il y avait une ville. Et les repris de porcelaine. Et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais. Que je marchais dans une rue. Sous-titrage Société Radio-Canada. Harrison, oh, Bethlehem is stable. There's the dishwasher, it's a purgatory. And it necessitates surgery. I get sick in the winter, look by the weather. Some nice drugs and I get better, yes sir. Come on down, cause the price is right. Come on down, here where the price is right. Come on down, cause the price is right. Come on down, the price is right. Come on down, here where the price is right. Circle, a circle. I live on pudding's and nourishing. To you, though, you two tight slip by. Sick in the winter. Cause the price is right, come on down here where the price is right. Come down, cause the price, oh, the price is right. That's right. Come on down where the price is right. Come on down here cause the price is right. Nous allons nous en occuper, dit Bauman. Montre-nous l'alignement optique. Le voici, Dave. Il est encore correct pour l'instant. Une demi-lune parfaite apparut sur un fond d'espace noir, presque vierge d'étoiles. Elle était ocellée de nuages qui masquaient tout détail reconnaissable. En fait, au premier coup d'œil, on aurait pu croire qu'il s'agissait de Vénus. Mais ce n'était plus possible après un instant, quand on découvrait la lune, la véritable, la seule lune, quatre fois moins grande que la Terre et dans la même phase. play the kind of heavy role in a very little village around here down low. Of those useless places with nothing to do. Cause even if you can, back from work, that's what I do. If the rents are cheaper, but cheaper is not cheap. In my overdraft all year, I'm sentenced to creep. I'm not complaining, things are not that bad. But some dreams cost money and it's driving me mad. It's driving me mad, it's driving me mad. There's 1 month before I can pay. I'm broke, don't know who to pray. There is nothing in my purse to sweat up in thirst. There's 1 month before I can pay. There's 1 month before I can pay. Река, всем река мать, что за дрова, всем река. le développement universel des démocraties, matinée d'une survivance fossile, la monstrueuse raison d'État, a conduit les esprits d'Europe à cet article de foi que l'homme n'a pas de plus haut idéal que de se faire le serviteur de la communauté. Et cette communauté, on la définit État. Tous les amis de son mari avaient été amoureux d'elle et avaient fondé de grandes espérances sur son abandon. Mais les maris infidèles ne font pas toujours les femmes coupables. C'est même souvent le contraire, tant ce pauvre monde est peu soumis aux lois de la logique. Bref, Madame de Tricœur, après la mort de son mari, demeura sur la rive, épuisée et brisée, mais sans tache. We'll be right back. c'est que cette valseuse avait été élevée par sa mère à jouer les célimènes, celles qui n'aiment que leur robe, leur éventail et leur beauté, même quand elles ne sont pas belles. Il est vrai que celle-ci était bien jolie. Figure parisienne a donné le vertige à ceux qui n'ont pas couru les filles du demi-monde. Ce qui surtout couronnait son air impertinent, c'est qu'elle portait un grand nom, que je masquerai ici par celui de Laure de Montagnac. Je me projette toujours à la place de ces gens qui ont eu pendant 30-40 ans une vie de con, un boulot de con, une femme pourrie. Qu'est-ce qu'ils vont se dire là, à l'aube de la... voilà, sur leur lit de mort. Putain, quand ils vont faire le bilan. Putain, ça c'est l'angoisse, c'est mon angoisse suprême, c'est d'avoir des regrets et des remords, de ne pas avoir le courage de faire des choses. Stand up.

Contemplèrent ce caillou voyageant dans le ciel, avec l'émotion qu'avaient dû éprouver les marins observant au cours d'un long voyage une côte qu'ils ne pouvaient aborder. Ils savaient que 7794 n'était qu'un fragment de roc dépourvu d'air et de vie, mais cela n'affectait en rien leurs sentiments. C'était la seule matière solide qu'ils rencontreraient avant d'atteindre Jupiter, à 200 millions de milles de là. Fast is X. doucement sur la grève. Ouais. La Cour des comptes, c'est juste un avis. Oui, enfin, là, j'ai pas fini. Hein. Ah. On parle de remplacer Cannabis Circus par Picombière Odyssée. Hein, et les paysans dans la lutte des classes seraient sponsorisés par Monsanto. Oh putain, j'appelle tout de suite les camarades de la conf. est dans le plus grand secret que 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous sommes tous observés, enregistrés, filmés, suivis, tracés, testés, évalués, catalogués, drogués, exploités comme des cobayes de laboratoire par d'obscures organisations tentaculaires qui nous espionnent et nous manipulent sans aucun état d'âme. Comment font-elles ? Et dans quel but ? Hey, hey, it's alright. Hey, hey, mama. Simple, il est en désaccord, pas total, mais avec les théories de contre-insurrection qui ressurgissent, hein, qui ont été inventées pendant les guerres de décolonisation par des officiers français et remis au goût du jour par des officiers américains, dont les généraux McChrystal et Petraeus, selon théories selon lesquelles il faudrait gagner le cœur et l'esprit des Afghans, ce qui n'est pas l'avis du colonel Durieux, qui a une vision, je dirais, plus française, plus proche de celle d'un maréchal lyotais, dans sa mémoire propre. Hein. Mm-hmm. Et voilà, lui, il pense qu'il faudrait davantage les libérer. Il est dans une zone où il a envie d'essayer des choses, et il constate que la bande FM est vierge, et qu'on est dans une zone montagneuse. Alors effectivement, le service Pashto de la BBC ou de Voice of America ou de Deutsche Welle sont écoutés par quelques personnes qui ont la chance d'avoir des radios, d'être situées sur des points hauts ou d'avoir accès aux ondes courtes. Ouais, mais la majorité de la population n'a pas accès à la radio et il entend faire dialoguer les Afghans entre eux. Donc il a cette idée folle qui est reçue de façon un peu circonspecte par son état-major de créer cette radio. Oh, tell me more. Yeah. Милый ангел. mais ma famille a déjà toujours vécu en Hongrie. Mais de toute façon, ce Cornél avait... Non, il était tout à fait jeune encore, mais je l'ai connu, c'est assez intéressant, 8 ans avant. Parce que c'est important pour établir une certaine relation amicale et vraiment profonde pour pouvoir parler ouvertement des choses, des désirs, de volonté de faire quelque chose d'original. Yeah, you may be the one. Come on, son.